tout serait parfait si le monde était un monde de paix comme il ne l'est jamais. Je le laisse aux autres, nous créerons le nôtre. Je connais le doute, les pleurs, la peur, mais tout au fond, là dans mon cœur,